Non, il n'y a pas de backtrack. Giorgio, il n'y a pas de backtrack, malheureusement. Joue en même temps. Bordel général. Non, c'est excellent, mon gars. Ouais, c'est excellent, mais franchement, abusé quand même qu'il y a un décalage. Enfin, je sais pas, ils avaient qu'à inventer un système qui fonctionne mieux.